j'adorerai dans ta présence. C'est là que se trouve toute ma ressource. Tu m'entoures de ta paix dans ta présence. Tu me remplis de ta joie dans ta présence. Laisse-moi demeurer dans ta présence. C'est là que se trouve toute ma ressource. Tu m'entoures de ta paix dans ta présence. Tu me remplis de ta joie dans ta présence. Mon Jésus, Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon amour, amour, mon amour, mon amour, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon amour, amour, mon amour, mon amour. Dans ta présence je suis consolé, dans ta présence moi je suis restauré. Garde-moi près de toi, ô Seigneur, fais-moi goûter à ta joie dans ta présence. Dans ta présence je suis consolé, dans ta présence, moi je suis restauré. Garde-moi près de toi, ô Seigneur, fais-moi goûter à ta joie dans ta présence. Mon Jésus, Jésus, Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon amour. Amour, amour, mon amour, mon Jésus, Jésus, mon Jésus, Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon amour, amour, amour, amour, amour. Conduis-moi dans ta présence. Conduis-moi dans ta présence. Amène-moi vers toi. Conduis-moi dans ta présence. Conduis-moi, conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi dans ta présence. Conduis-moi dans ta présence. Oh, Jésus.